إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous avons commencé hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture d'une courte épître écrite par l'imam, le grand savant, Muhammad ibn Sulayman, al-Tamimi rahimahullahu ta'ala, qui est intitulée « Notre devoir vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Et nous avons vu que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a réuni dans cette épître les sept choses qu'il incombe à tout musulman et toute musulmane vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, que ce soit dans son livre, le Coran, ou dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et la première de ces obligations est d'apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et ce, afin de pouvoir se soumettre à ses ordres, mettre en pratique ses obligations et s'éloigner de ses interdits. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la deuxième chose qui nous incombe et qui est d'aimer ce qu'Allah a ordonné. Et ça, c'est d'une grande importance. Que tu aimes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, que tu aimes le faire et que tu détestes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et que tu aimes t'en écarter. Il a donc dit, rahimahullah, al-martabatu thaniya, mahabbatu ma anzal Allah. La deuxième chose ou le deuxième degré, le deuxième devoir vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'aimer ce qu'Allah a révélé, que ce soit dans son livre ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit, wa kufru man karihahu, et la mécréance de celui qui le déteste. La mécréance de celui qui déteste, répugne ce qu'Allah a révélé. لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. Et cela car ils ont eu de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. فأحبط أعمالهم. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Et ceci est le verset 9 de sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « فَأَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يُحِبِّ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلْ أَبْغَضَهُ وَأَبْغَضَ مَا جَاءَ بِهِ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ » Et la majorité des gens n'aiment pas le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le détestent, et ils détestent ce avec quoi il est venu, même s'ils savent que c'est Allah qui l'a fait descendre. Donc ce deuxième point, mes frères et sœurs, il est d'une grande importance. Car, comme vous le voyez, il est lié directement à une question de croyance. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, l'ensemble des ordres venus dans le Coran et l'ensemble des ordres venus dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour chacun d'entre nous de les aimer. Et si tu aimes les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera facile pour toi de t'y soumettre. Et le manque de soumission à ces ordres relève en réalité de la corruption du cœur et d'un manque ou d'une faiblesse dans l'amour des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le célèbre hadith rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous avons dans notre corps une bouchée de chair qui, si elle est bonne, c'est tout le corps qui sera bon. Et si elle est mauvaise, c'est tout le corps qui sera mauvais. Et cette bouchée de chair n'est autre que le cœur. Si ton cœur est bon, les actes de ton corps seront bons, inshallah ta'ala. Et inversement. C'est pour cela qu'il est nécessaire que tu veilles à emplir ton cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de l'amour de cette religion. en aimant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et en veillant toujours à renforcer cet amour dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le tawhid, tu te dois d'aimer le tawhid. Il a interdit le shirk, tu te dois de détester le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière, tu aimes la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la zakat, tu aimes la zakat. Et tu ne dois pas avoir de répulsion pour ces grandes adorations. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le jeûne, tu dois aimer le jeûne. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, tu dois l'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes de se voiler. Nous nous devons d'aimer ce voile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux hommes de laisser pousser leur barbe librement. Les hommes se doivent d'aimer cela. Ceci est une obligation. Et il n'est pas permis pour nous d'avoir de la répulsion pour une chose quelconque parmi les ordres de la religion. Et le manque de mise en pratique, comme on a dit, il dénote un manquement sévère à ce sujet. Celui qui a du mal à se soumettre aux ordres d'Allah et à se soumettre aux ordres de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, bien souvent, cela est en raison d'une certaine faiblesse dans son amour de ce qu'ils ont ordonné. Donc ton amour et ta répulsion ne doivent pas être basés sur tes passions, ni sur tes désirs, ni sur ce qui est à la mode, ni sur ce que les gens aiment, ni sur ce qui fait plaisir à ton entourage, ni sur ce qui est accepté dans la société dans laquelle tu vis, non. Ton amour et ta répulsion ne doivent être basés que sur la religion. Tu aimes lorsque tu aimes pour Allah et tu détestes lorsque tu détestes en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah, qui donne pour Allah et prive pour Allah, il a certes complété la foi. Il a complété la foi. Car il ne va aimer que ce qu'Allah aime. Et il ne va détester que ce qu'Allah déteste. Lorsqu'il va donner une chose, il la donne parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'il donne cette chose. Et lorsqu'il va priver d'un don ou autre, il ne va le faire que parce qu'il sait que c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et dans un autre hadith, également authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lance la plus solide de la foi est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de renforcer dans nos cœurs l'amour de notre Seigneur, l'amour de notre messager sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de notre religion. Et tu dois t'écarter de tout ce qui éloigne ton cœur de cet amour et de tout ce qui pourrait le rendre malade, l'endurcir ou le souiller. En effet, ce manque d'amour pour la religion, ou cet amour faible pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il provient des maladies du cœur. Ce cœur qui, lorsqu'il est mauvais, les actes du corps seront mauvais également. C'est pour cela que tu vois certaines personnes dont le cœur n'est pas apaisé à accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. On voit même certaines personnes qui n'aiment pas les entendre, wal'ayadu billah. Ils ne veulent même pas entendre parler de certaines choses de la religion. Il ne veut pas qu'on lui fasse le rappel. Il ne veut pas être exhorté. Il ne veut pas être rappelé à l'ordre. Il ne veut pas être orienté. Pourquoi? Car il n'aime pas ces choses, wallahu al-musta'an. Alors que si tu l'appelles au mal, si tu l'appelles au péché, si tu l'appelles à ce que son âme désire, au suivi de ses passions, alors tu le verras s'empresser. Et tu le verras se hâter sur la voie du faux, wallahu al-musta'an. Chacun d'entre nous a donc besoin de sans cesse examiner son cœur. Et lorsque tu relèves une maladie ou une faiblesse, tu dois t'empresser de tout faire pour te soigner et ne pas t'obstiner dans le mal et les péchés. Tu dois sans cesse invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'aide à faire les causes pour purifier ton cœur et qu'il te fasse aimer la foi et les bonnes actions. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne te facilite pas cela, tu ne pourras rien faire sans son aide. Tu dois donc l'invoquer afin qu'il te fasse aimer ce qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala, qu'il te fasse aimer la foi, qu'il te fasse aimer les œuvres de bien, et qu'il te fasse détester la mécréance, la perversité, et tout acte de désobéissance. Et tu dois prendre garde à ne pas avoir dans ton cœur une quelconque répulsion de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans son livre ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci fait partie des annulatifs de l'islam. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « La mécréance de celui qui le déteste, qui déteste ce qu'Allah a fait descendre. » Et dans son livre, « Les annulatifs de l'islam », il a mentionné cela parmi les 10 annulatifs. Le cinquième est « Quiconque a de la répulsion pour une chose avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il la met en pratique, il a mécru. » Et ici, il nous a mentionné une preuve, le verset 9 de Sourate Muhammad. « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ » Cela car ils ont eu de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. « فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ » Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Et qui sont ceux dont les œuvres sont vaines si ce n'est les mécréants, وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Et le fait d'avoir de la répulsion pour la religion d'Allah, ou pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, c'est une chose qui annule les œuvres du serviteur et les rend vaines. Et le fait sortir de la religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici, « Et la plupart des gens n'aiment pas le messager. » On pourrait s'étonner ici de sa parole. Comment peut-il prétendre que la majorité des gens n'aiment pas le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est visé ici est l'amour réel, l'amour véridique qui provient du cœur et duquel découle le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela l'amour véridique. Et c'est par cela que chacun d'entre nous est mis à l'épreuve dans sa prétention d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَخْفِرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Dit, « Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. » C'est-à-dire suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. « Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. » Donc si tu ne suis pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci est dû à un manque d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne suis pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière d'adorer Allah, dans sa manière de se comporter, que tu ne suis pas sa sunnah, ou que tu as des manquements à ce sujet, ceci est un signe d'un manque d'amour de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et d'un manque de véracité dans cette prétention que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu aimes vraiment Allah, alors tu te dois de t'empresser de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ensemble des domaines de la religion. Donc ceci est d'une grande importance, d'aimer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas avoir de la répulsion pour une chose quelconque parmi les choses légiférées dans notre religion. Ensuite il a dit, rahimahullah, « Al-martabatu thalitha, al-azmu ala al-fi'al » Le troisième degré, la troisième chose qui est obligatoire pour nous, vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir la volonté de les mettre en pratique, d'être décidé à agir. Il dit, rahimahullah, « وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَرَفَ وَأَحَبَّ وَلَكِنْ لَمْ يَعْزَمْ خَوْفًا مِنْ تَغَيُّرِ دُنْيَا » Beaucoup de gens ont su et ont aimé. On a vu, c'est les deux premiers points. Savoir ce qu'Allah a ordonné, aimer ce qu'Allah a ordonné. Ils ont su, ils ont aimé, mais ils ne se sont pas décidés à agir. Ils n'ont pas la volonté d'agir. Pourquoi ? Par peur de changement dans leurs affaires mondaines. Et on va voir cela avec plus de détails, incha'Allah ta'ala. Donc ici, il nous dit que la troisième chose qui est obligatoire pour nous, vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, est de se décider, d'avoir la ferme volonté à les mettre en pratique. Et ceci également, cette volonté, elle se trouve dans le cœur. Il ne suffit pas de savoir et d'aimer ce qu'Allah a ordonné. Mais il faut que tu te décides à t'y soumettre. Que tu aies la volonté de mettre en pratique cette religion. Lorsqu'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala te parvient, tu ne dois pas être indifférent. Lorsqu'un ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam te parvient, tu ne dois pas également rester indifférent. Mais tu dois avoir la ferme volonté d'agir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rujd » Ô Allah, je te demande la fermeté sur cette affaire et la décision à suivre la bonne voie. Donc, al-thabat fil amr, c'est la fermeté sur la religion, la fermeté sur la droiture, la fermeté sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Wal azimata ala rujd. Al azima, c'est la volonté, la décision d'agir. Et al rujd, c'est ce qui est juste, c'est la bonne voie, c'est la vérité. Donc, al azimata ala rujd, c'est le fait d'être facilité à s'empresser vers la vérité et la bonne voie. Car nombreux sont ceux, malheureusement, à connaître la vérité, à savoir ce qui leur incombe, et à ne pas suivre cette vérité ni la mettre en pratique. Et c'est pour cela que l'on retrouve certains de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a » « Oh Allah, montre-nous la vérité comme telle » C'est-à-dire « montre-nous la vérité comme vérité » Car certaines personnes peuvent voir la vérité comme étant fausse. Donc tu demandes tout d'abord à Allah de te montrer la vérité comme vérité. Et accorde-nous son suivi. Car il ne suffit pas de la connaître, mais il faut la suivre. Il ne te suffit pas de savoir qu'il est obligatoire de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que tu mettes en pratique cela. Il ne te suffit pas de savoir que la prière est obligatoire. Mais il faut que tu pries. Et ainsi de suite avec l'ensemble des obligations religieuses. Oh Allah, montre-nous la vérité comme telle et accorde-nous son suivi. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Et montre-nous le faux comme tel et accorde-nous le fait de nous en écarter. Nombreux sont ceux à pouvoir connaître la vérité et parfois même à aimer la vérité, mais leur volonté est faible et leur cœur ne se dirige pas vers la mise en pratique. À titre d'exemple, combien sont ceux parmi nos frères et sœurs à savoir que la hijra est obligatoire, et qu'il est obligatoire pour le musulman qui vit en terre de mécréance, là où il ne peut extérioriser sa religion comme il se doit, de quitter cette terre pour se rendre en terre d'islam. Combien sont ceux à savoir cela et à l'aimer? Ils sont nombreux. Mais combien sont ceux à avoir la volonté d'émigrer, et à être décidés à agir, à se soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils sont beaucoup moins nombreux malheureusement. Certains même se complaisent parfois en terre de mécréance. Ils savent que la hijra est une obligation, mais ils n'ont aucune volonté d'agir. Et ceci est une calamité. De la même manière en ce qui concerne l'ensemble des obligations. Combien sont ceux parmi les jeunes affiliés à l'islam à ne pas prier, alors qu'ils savent que la prière est une obligation, qu'ils aiment la prière, qu'ils connaissent ses bienfaits, qu'ils savent le danger de son délaissement, mais ils ne prient pas, et ils n'ont pas la volonté d'agir. Donc c'est là que tu vois qu'il ne suffit pas de savoir et d'aimer, mais il faut également avoir la volonté d'agir, et ne pas s'arrêter simplement aux connaissances et à l'amour, car ceci n'est pas suffisant. Certaines personnes parfois peuvent écouter une exhortation, écouter un cours, écouter un rappel, ou lire un livre, et être touchées par ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont écouté comme exhortation et comme rappel. Mais en raison d'un manque de volonté, ils ne mettent pas en pratique ce à quoi ils sont exhortés. Et parfois la raison, c'est ce qu'a mentionné l'auteur ici. Khawfan min taghayyuri dunya. Par peur de voir ses affaires mondaines changer. Il a peur que sa situation change. Il a peur des gens. Il a peur que les gens changent de comportement à son égard. S'il met en pratique tout ce qui lui incombe parmi les ordres religieux. Ou alors il se peut qu'il ait peur de perdre son travail. Ou qu'il ait peur de perdre ses amis, de perdre sa notoriété, de perdre un certain confort de vie qu'il a obtenu par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc il se laisse aller dans les péchés. Il délaisse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est obligatoire, il n'a pas de répulsion pour ces choses, mais il n'a pas la volonté de les mettre en pratique par peur de changement dans sa vie mondaine. Wallahu al-musta'an. Parfois même, pour des raisons viles, par peur du regard des gens, par peur de se faire dénigrer, par peur de ce que les gens vont dire ou penser de lui, s'il extériorise manifestement son attachement à cette religion et son suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il va délaisser ce qu'il a su être obligatoire pour lui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-martabatu al-rabi'a al-amal » Le quatrième degré. La quatrième chose qui est obligatoire pour chacun d'entre nous vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de les mettre en pratique. Si tu as su que tu as aimé, que tu as eu la volonté d'agir, alors tu te dois ensuite de mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et prends garde à ne pas retarder la mise en pratique, à te dire je ferai cela plus tard, je commencerai la prière pendant Ramadan, je mettrai le voile lorsque je serai marié, je ferai la hijra lorsque j'aurai eu telle ou telle somme d'argent, et ainsi de suite parmi les excuses vaines que le diable peut suggérer à nombre de personnes, wal'iyadu billah. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné une chose, que tu aimes cette chose, que tu as la volonté d'agir, empresse-toi d'agir, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans son noble livre, lorsqu'il dit « Wasari'u, empressez-vous, accourez, ila maghfiratim min rabbikum, à un pardon de votre Seigneur. » Tu as été négligent jusqu'à maintenant? Tu as eu des manquements vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas trop tard. Tu es encore vivant, alhamdulillah. Empresse-toi, accours vers un pardon de ton Seigneur, en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Et tu dois te rappeler que la mort peut venir à tout instant. La mort, elle nous a été prescrite à chacun d'entre nous. Nul parmi nous ne va y échapper. Donc ne retarde pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car si tu le repousses et que tu le retardes, il se peut que tu ne puisses jamais le mettre en pratique. Il y aura toujours des choses qui vont te détourner. Certaines personnes, par exemple, en ce qui concerne l'apprentissage de la science, ils vont dire « je n'ai pas le temps, je manque de temps, j'attends de me libérer ». Mais tu auras toujours des occupations. Une fois qu'une occupation se termine, il y en a une autre qui suit. Et les distractions sont nombreuses. Et les choses pour te détourner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses également. Donc c'est à toi de faire les efforts pour prendre le temps de mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Comme on l'a dit hier, tu es sur cette terre pour concrétiser ce noble objectif pour lequel ton Seigneur t'a créé, qui est de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans cette adoration. Donc tu dois prendre garde à tout ce qui te détourne de cet objectif. Tout ce qui fait frein à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'en écarter. Parmi les péchés et les mauvaises actions et également parmi les choses futiles et les distractions. Si celles-ci t'empêchent de te soumettre à ton Seigneur comme il se doit, alors tu te dois de t'en écarter. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici que la quatrième chose est la mise en pratique. Ensuite il dit « Wa kathirun minan nas ida azam au amil wa tabayyana alayhi man yu'azzimuhu min shuyukhin au ghayrihim taraka al-amal. » Et beaucoup de gens, lorsqu'ils se décident à agir, qu'ils ont la volonté d'agir, ou même une fois qu'ils commencent à agir, s'ils se font surprendre par une personne qu'ils révèrent, une personne envers qui ils ont de l'estime, il dit, comme des chouyours, des personnes éminentes ou autres, alors ils délaissent la mise en pratique. Ils délaissent la mise en pratique par crainte de ce que vont penser ces gens de lui, ou par crainte de changement dans sa vie, ou par crainte des remontrances de ces personnes pour qui il a de l'estime. Et il y a un récit très frappant à ce sujet qui nous est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah, et qui concerne le récit de l'empereur byzantin, Héraclius, ou Hercule. Ce dernier avait reçu une lettre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il l'appelait à l'islam. Et après s'être renseigné au sujet de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, il lui apparut très clairement que son message est vérité. Il eut donc la volonté de le suivre et d'entrer en islam. Il a alors réuni les notables de son peuple afin de s'entretenir avec eux à ce sujet. Et il a ordonné que toutes les portes soient fermées. Une fois réunis avec eux, il leur dit « Ô Byzantins, cherchez-vous le bonheur et la droiture ainsi que le maintien de votre pouvoir. Prêtez donc allégeance à ce prophète. » Suivez cet homme. Lorsque les notables de son peuple écoutèrent ses paroles, ils se mirent à courir en direction des portes comme des bêtes sauvages. Mais ils trouvèrent les portes fermées. Donc lorsqu'il vit leur répulsion, et leur refus de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perdit espoir en la foi. Il ordonna donc qu'on les ramène à lui, puis il leur dit « Je n'ai dit cela que pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir votre attachement à votre religion. » Satisfaits de ce qu'ils venaient entendre de lui, ils se prosternèrent tous devant lui, et telle fut la situation d'Héraclius, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'une telle épreuve. Donc vous voyez ici que cet homme a connu la vérité, qu'il a aimé la vérité, qu'il a eu la volonté de suivre la vérité, mais il ne l'a pas mise en pratique. Pourquoi ? Par peur de changement dans sa vie mondaine, par peur d'être délaissé par les notables de son peuple, par peur de ce que les gens vont dire de lui ou vont penser de lui, et ainsi de suite. Et on pourrait citer également l'exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui lui aussi savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne l'a pas suivi par fanatisme pour ses ancêtres. Et nombreux sont ceux aujourd'hui à délaisser certains préceptes de notre religion. Parmi les rites apparents de l'islam, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées dans son livre, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, pourquoi ? Par peur du regard des gens, par peur des critiques, par peur qu'on le rabaisse, par peur de perdre son travail, de perdre de l'argent, et ainsi de suite. Et ce en raison d'un manque d'objectivité quant à la valeur de ces choses, comparé à la valeur de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces biens mondains que tu as peur de perdre, ils ne sont qu'éphémères, et tu les perdras tôt ou tard. Alors que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien durable, un bien que tu retrouveras auprès de toi dans ta tombe, et un bien que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et un bien pour lequel tu seras récompensé par ton Seigneur et qui te permettra bi'idhnillahi ta'ala d'entrer dans son paradis éternel. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à lutter contre nos âmes et à ne pas nous priver de son aide et de sa miséricorde et de nous faciliter la mise en pratique de l'ensemble des ordres de notre religion. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra les autres points lors des prochaines assises. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.